crié, arrêtez de dire que je suis un bâtard, vous arrêtez pas de m'épiller. Sans répit, j'écris des rimes pleines mes cahiers. J'ai vaincu mon mal de vivre et je fais pas ça pour un cahier. Rancunier, non, mais là vous parlez mal de moi. Pourtant, je suis pas le mec à dire que la musique n'attend que moi. Vous jugez sans savoir comme la belle vie peut faire défaut. Vous prenez pour la justice, alors je ne ferai plus d'efforts. Non, j'évolue là où les gens sont des forts. Là où les gens se défoncent, qu'on se défend, se défend. Je vous affirme, je suis ni des faibles ni des forts. Du mal à joindre les deux bouts, pourtant je dors que pour reprendre des forces. On a compris qu'à vos yeux on valait rien. On s'en fout, on s'en sort sans un sou comme des galériens. On vous emmerde, on croquera pas dans vos gâteaux. On grimpera pas sur vos bateaux, on survivra sur nos radeaux, hein. J'ai vaincu mon mal de vivre et je fais pas ça pour accailler. Pour accailler. Joindre les deux bouts pour t'arriver que pour reprendre des forces. Épreuve compliquée, chaque preuve peut nous viser. Allume le briquet, on est fliqué. Chaque trace peut nous impliquer. Inspiré par la misère, je rappe le thème, c'est résister. Je respire la méchanceté dans nos cités. Logique, on a la rage quand on cogite. Le rap, c'est mon alcool. Le shit ramène du chiffre, mon acolyte est dans mes rapports. Hardcore dans le corps à corps. Je suis pas rappeur, je suis qu'un homme, mais c'est la peur de leur politique, je suis pas d'accord. Je résiste, car la haine insiste à briser des couches. Je précise que j'ai plus de doute. Ce monde est raciste et j'ai pris goût. La peine me stabilise. Au fond du trou, je crie Staffelin. Et plus c'est stratégique, Staffelin. Époque de bactéries, résiste avec mes potes quand c'est bordélique. Époque où tu portes tes rides, la gueule enfarinée. Je vends des articles pas maquillés. Je suis pas rappeur, je suis qu'un homme, c'est la peur de leur politique, je suis pas d'accord. Système intolérable. Ici-bas, on nous demande de choisir entre le sida et le choléra. Moi, je sais pas, en vrai, où on ira. Je fais pas la guerre, des petits morceaux que pour les rats. Une image noire, sage, qui a pas de morale. Un petit morceau pour toi, j'ai que ça, j'ai que l'oral. Une petite corona, entourée de pyromanes. Frère, tu t'as la main, je rejette la pierre au mal. Les mères sont détruites, les pères sont mal. Les enfants se reconstruisent et deviennent des personnages. De toute façon, tu le sais, ici c'est père ou gagne. Il y a une petite solution qui s'appelle Cagou, les pères de gang. Renseigne-toi, si tu me crois pas, ne me parle pas de l'ancien temps. J'ai toujours mon trois quarts, les traces de coca. Je fais pas de quota, j'ai misé sur les tocards. Embrasse ta feuille de coca. Ici bas, on nous demande de choisir entre le sida et le choléra. S'appelle Cagou, les pères de gars. Les temps changent, on s'adapte, tu sais qu'hier n'est pas demain. Tous avec nos vices, mon pote, tiens, ça verra demain. Parce qu'on s'accroche à ce qui nous tient, en sachant que ça va nous tuer. En gros, on vit un paradoxe, sais-tu seulement où tu es. Certains croient en cette illusion, quand d'autres ils regrettent d'y voir clair. On rêve tous d'une vie saine, mais ce qu'on respire, c'est pas clair. Alors on se lance à droite à gauche en récoltant un taf bâclé. Dans un élan de désespoir, avec l'envie de tabasser. 2012, un monde moderne, on en revient au bas instinct. Tout le monde est beau pour les styler. Je n'en vois pas un saint, j'ai constaté qu'une existence vouée à l'échec, peine énorme, mais toujours droit de là où je viens. On appelle ça un homme, j'ai lu la pensée d'Archimède, et puis je me suis jeté dans le bain, en sachant qu'il fallait pousser, tout en voulant agir en bien. Forcément, j'ai pris du retard, mais tôt ou tard, on vous rattrapera. Un conseil, vous ratez pas, parce que nous, on vous rattrape pas. Parce qu'on s'accroche à ce qui nous tient, en sachant que ça va nous tuer. Vous ratez pas parce que nous on vous rattrape pas.